parce que... Oui, je suis près de moi. Une question? Ça sont plusieurs. Je rêve que je me fais kidnapper à presque toutes les nuits. Qu'est-ce que signifie mon rêve? Comment ne pas s'ennuyer? Ça, c'est une autre question. Non. Comment ne pas s'ennuyer dans ce rêve-là, t'sais? Bon, l'ennui, on peut se référer à une cassette que j'ai faite, qui est les mécanismes de l'ennui, se libérer de l'ennui, ça pourrait aider. On va en parler un petit peu. En ce qui concerne le rêve du kidnappage, ça peut signifier énormément de choses. Il faut avoir des détails au niveau d'un rêve. Ça dépend de la saveur du rêve. Et la saveur, ça ne se décrit pas, ça se décrit un petit peu. J'ai extrêmement peur, j'ai pas peur, je veux parler, je veux appeler au secours, je suis pas capable, ou j'arrive à crier, personne ne répond. Il y a des nuances. Parce que ça peut vouloir signifier que la personne ne s'aime tellement pas, qu'elle n'a tellement pas de valeur, qu'elle rêve sans arrêt que les gens viennent la kidnapper parce qu'elle a plein de valeur. Ça peut vouloir dire aussi simplement que la personne, elle est rendue dans une phase d'évolution où son ego a peur de se faire éliminer par le mental, par quelque chose. Donc, il y a un paquet de raisons qui peuvent expliquer un rêve comme ça. En ce qui concerne l'ennui, on ne s'ennuie pas lorsqu'on est suffisamment centré chez soi. Moi, j'ai souvent dit en conférence, et les gens trouvaient ça drôle comme ça, que moi, je m'ennuyais pas tout seul parce que j'étais un gars tellement intéressant que je peux pas arriver à m'ennuyer tout seul. Alors que la majorité des personnes s'ennuient seules, alors ils vont aller chercher quelqu'un d'autre qui s'ennuie seul aussi, puis deux pas intéressés ensemble, ben ça arrive à s'intéresser. Les personnes s'ennuient parce que l'ego est pas capable de s'exprimer, l'ego a besoin de matière à s'exprimer. La meilleure chose pour ne pas s'ennuyer, c'est de se faire des amis. C'est très banal. Et c'est pas de se faire n'importe quel ami, évidemment, c'est en fonction de ce qu'on vibre nous ou de ce qu'on est. Alors, la meilleure chose à faire pour pas s'ennuyer, c'est de se faire des amis. Parce qu'à la longue, en ayant des amis et en travaillant à être transparent, on va être capable de se centrer de plus en plus sur nous-mêmes, ce qui va éliminer l'ennui, même si on est totalement seul. Et en ayant des amis, on aura aussi la capacité d'aller nourrir le corps astral. Et le corps astral nourri est capable, lui, de totalement empêcher l'ego de vivre l'ennui. Donc, la personne qui est capable d'avoir des amis et de se servir de ses amis, ça veut dire quoi s'en servir? Ça veut dire cesser de jouer l'imbécile qui a toujours peur de les appeler, de peur de les déranger. Ou de leur demander quelque chose, de peur de les déranger. Je connais des personnes, moi, qui ont des amis, et l'un de leurs amis, par exemple, aime ça quand on va faire du cheval avec. Ben, pas sur son dos, avec un autre cheval, bon. Et puis, il y en a un qui adore faire de l'équitation lorsqu'il est accompagné. Alors, la personne qui devrait l'accompagner, qui est son amie, ben elle aime ça. Mais elle n'ose pas l'appeler pour savoir si... veux-tu que je t'accompagne demain quand tu vas aller faire ton équitation? Elle n'ose pas l'appeler pour lui demander, à peur de la déranger. Alors qu'elle sait pertinemment que l'autre n'attend que ça. Il faut donc, même si on a des amis, il faut être capable de se servir de ses amis. Donc, on ne tête pas ses amis, nécessairement, on les respecte. Mais la différence, la nuance entre têter puis s'en servir, c'est quoi? Ben c'est simple. Si votre ami veut pas ou n'a pas le goût, c'est pas. Là, vous le têtez. Mais ne rien demander à quelqu'un, c'est souvent aussi têteux que de lui demander à outrance. Bon. Alors, Michel aime ça aller au cinéma souvent, mais moi, je l'appelle jamais pour lui demander s'il veut venir avec moi parce que j'ai peur de le déranger, j'ai peur de le têter. Ça, c'est des belles raisons qui font en sorte qu'en réalité, je me fais souffrir, je me fais raquérir, je me niaise moi-même. Et je ne m'autorise pas à avoir du plaisir. Donc, je suis tellement mal avec moi-même que je peux pas demander à Michel s'il est d'accord que je me serve de lui pour être heureux. Même si je sais que lui, ça va le rendre totalement heureux. Avoir des amis, ça va donc éliminer l'ennui, si on est capable de s'en servir. Les amis, ça peut être souvent ses enfants. Quand on a des enfants, ça peut être ses parents, ça peut être des voisins, ça peut être des gens qui se conscientisent. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on se sent bien. C'est pas quelqu'un avec qui on peut parler de conscientisation. Si on se sent bien uniquement avec ceux avec qui on parle de conscientisation, un ami, nécessairement, pourra parler de conscientisation. N'empêche que la base, c'est qu'on se sent bien avec lui. Alors donc, être capable de se centrer sur soi, et mieux on va être avec nous autres, moins on va s'ennuyer, puis avoir des amis, c'est très extrêmement utile. Au niveau de l'alimentation du corps astral. Vendredi Saint, ça se passe une fois et ça se passera pour la dernière fois encore une fois. C'est ça. Explique cette phrase rapide. La phrase était rapide, l'explication, il faut que ce soit rapide. La phrase était rapide, l'explication... Une bonne explication. Les gens disent des choses, des fois, ça n'a pas d'allure. Tu peux-tu effacer ça sur la cassette? Bon, Vendredi saint, ça s'est passé une fois, ça se passera pour la dernière fois encore une fois. Bon, c'est très, très... Vous en parlerez dans 3-4 semaines. La prophétie dit qu'effectivement, à un moment donné, il y aura quelque chose, bref, que voilà, c'est ça. Fait que, il y a des fortes chances que ça recommence. Il y a des possibilités. Comment on peut dire ça? C'est bien compliqué parce que c'est bien compliqué. Est-ce nécessaire? C'est très simple, c'est niaiseux. Tu allais me demander que je te pose une question précise. Exactement. Est-ce nécessaire que ça se répète comme la prophétie l'appelle? Ah, moi, je veux pas, mais faut croire que pour l'instant, oui. Ça. Mais pour s'entendre, évidemment, il y aura pas, ce ne sera pas le même événement. Oui. Mais ça donne qu'au niveau des mêmes dates chronologiques temporelles, et non pas en fonction du calendrier catholique romain, mais ça donne qu'à un moment donné, ça revient en même place. Et ça donne qu'aux mêmes dates temporelles, il y a quelque chose qui va se passer chez un individu, qui s'est déjà passé chez l'individu aussi, et quelque chose de similaire qui va se repasser pour en arriver à un résultat qui est similaire. Mais il n'y a rien d'identique. Oui. Alors, il y aura, par exemple, enfin bref, c'est ça, dépendamment des questions. C'est là. Des parallèles? Oui, bien, c'est un parallèle total, puis au niveau de l'assimilation des réincarnations, il y a des choses qui doivent se faire aussi pour accomplir des choses. Quel va être le résultat de ça? C'est justement ça qu'on ne sait pas. Mais on le sait. Moi, je ne sais pas. Ben, tu le sais aussi. Mais tout est confus. Le résultat, c'est bien, bien, c'est ça, le résultat. Le résultat, c'est que tout va être pour le mieux. Ah, bon, ben, la question est de savoir pour qui. Non, mais il n'y a pas de problème. Non. C'est que... Non, ce qui arrive, simplement... Il n'y aura pas de problème, mais est-ce que... Oui. C'est ça, c'est qu'on en est rendu à un point où, et il faut bien comprendre énergétiquement ce que je dis, non pas au niveau des paroles, parce que les mots, c'est pas nécessairement ce que ça communique, pas nécessairement ce qui doit être communiqué, c'est qu'on en arrive à une jonction temporelle où il y aura une assimilation, où il y aura une expression d'énergie qui va pouvoir se faire. Elle se fait maintenant ou elle se fait plus tard. Si elle se fait maintenant, elle se fait maintenant par l'individu qui va vivre l'expérience et ça va servir à tous les individus qui sont reliés affectivement ou énergétiquement au même individu. Si ça ne se fait pas là, ça va se faire par un autre individu beaucoup plus tard. Et nécessairement, l'individu par qui ça pourrait se faire, en tout cas, vivra certains problèmes, ainsi d'ailleurs que tous ceux qui sont reliés à lui. C'est nécessairement un autre individu si ce n'est pas fait. Présent. Exactement. L'autre individu, il est déjà là, il est déjà préparé, il est déjà prêt. Lui, il est convaincu que le premier a manqué son coup et que lui est en train de le réussir. Ah oui? Ce qui est un symptôme que le premier n'a pas encore manqué. Et... Ah oui? Oui, oui. Mais tu te présentes à deuxième? Oui, c'est ça. Au cas, tu sais, il est déjà prêt à s'en aller à lui, là. Non, non, mais c'est parce que j'aimerais savoir c'est qui. Tu le connais parce qu'il a déjà foulé le même territoire que tu foules régulièrement une fois par mois pour travailler. Lui, il campe dans l'autre camp. Le shack, la dompe, la ruine. Sylvain Tourdeau-Vinaigre, il est plus beau. Là, tu vas voir qu'on va passer. Mandra Maurice, mandra tout le monde ici, là. Bon. Alors, c'est ça, c'est que c'était très intéressant, quoi. Au moins, ils l'ont su, tu sais. C'est ça. Ce qui arrive simplement, c'est que c'est une période de transition intéressante où l'ego devra être totalement embarqué sur le lance-pierre et s'apprêter à être projeté. Mais c'est ce qui est arrivé aussi sur la croix. Ouais. Il y a une séparation complète entre l'antihomme puis la partie christique. Ben, c'est quelque chose du genre qui va arriver ici et après ça commence un processus de fusion qui est implacable. Qui est d'un point de vue et qui, d'un point de vue, est moins doux, mais qui doit se faire, qui devrait se faire. Sauf qu'en attendant, ce qui arrive simplement, c'est que ça permet à l'individu en question de se voir révéler tout ce qu'il sait déjà, mais d'une façon qui est beaucoup plus pratique. Et nécessairement, ça fait en sorte qu'il devra, à partir de cette date-là, commencer à s'amuser. Alors, que je viens de comprendre, c'était qui l'autre. Ah, OK. Et puis, je comprends. J'ai des choses que je comprends pas, mais en tout cas, c'est pareil, tu sais. Ben oui, je sais. Ben oui, c'est... Ben finalement, il sait. Ben, il est même sûr que... Que non. Ben, c'est-à-dire qu'il est sûr que c'est déjà accompli. Et dans le fond, il sait que ça ne l'est pas. Ben, ça, c'est... Oui, ça, j'imagine bien. OK. C'est une des choses qui a peur que je lui dise. Ou qu'ils se disent, plutôt. Te disent. Ouais, mais c'est parce que je suis le seul qui peut y confirmer que c'est pas correct. Puis dernièrement, j'ai confirmé qu'il y avait des possibilités que ce soit lui. C'est là qu'il m'a confirmé que c'était déjà lui. Puis c'est là que j'ai su que c'était pas encore lui. Tu sais, c'est des amanchures. Voyez-vous, ça donne plein de choses intéressantes. On pourra en reparler à un moment donné après. Pourquoi j'en parle pas présentement? C'est parce qu'il y a des choses que l'astral ne doit pas savoir. Pour pas venir colorer la capacité de discernement de certains individus qui auront besoin d'avoir toute leur tête là, d'ici deux semaines, de façon à ce qu'ils puissent énergétiquement travailler convenablement à l'accomplissement de ce que tout à l'heure j'expliquais un peu. C'est pour ça que je dis que dans les semaines à venir, sinon dans les mois à venir, parce que ça peut être résiduel par la suite. Ouais. Donc, on parle, par exemple, du vendredi saint puis du dimanche, sauf que ça peut prendre par la suite quelques mois de digestion ou de fusion, etc. Donc, il faut laisser le temps aux choses de se faire. Mais il y a effectivement des individus qui, dans les temps qui vont venir, auront vachement intérêt à être vivants. Parce que s'ils ne sont pas vivants, ils ne le seront plus jamais. Ben, c'est moi qui le dis, tu sais, mais c'est pas moi qui le dis. T'as des questions? Tu me parles pas. Je pense que tu me parles pas. Non, non, je te parle pas. Je parle à eux autres, de toi, mais à eux autres. Que s'est-il passé sur la montagne lors de la transfiguration du Christ? Ah bon, moi c'est la deuxième question qui m'intéresse. Ah, je ne l'ai pas... Ah oui, c'est ça. Réponds à la première. C'est la deuxième qui m'intéresse. OK, bon, OK, on la saute la première. Oui, c'est ça, je peux répondre à la première, mais... Pourquoi deux antennes supramentales ne peuvent-elles se rencontrer? Bon, celle-là, je l'ai posée. Pourquoi deux antennes supramentales ne peuvent-elles se rencontrer? Premièrement, ils vont peut-être se rencontrer dans les semaines qui viennent. Peut-être pas. Une chose certaine, c'est que ces deux antennes-là ne savent absolument pas ce qui va en sortir. C'est pourquoi, jusqu'à date, les choses ont été tirées. Je réponds pas longtemps à la question, c'est parce qu'elle résume un paquet de choses déjà, fait que ça répond suffisamment à la personne. Un autre conférencier a... Non, pour grand temps, ça va être clair, vous allez voir. Allô? C'est un autre conférencier interne. Antenne supramentale a dit lors de sa dernière conférence que le Nazaréen était un Christ de bon gars. Oui, je sais, c'est ça qui fait peur au Nazaréen. Et qu'il l'admirait. Est-ce signe que les deux antennes... ont à se rapprocher. Voyez-vous, il y a un gros problème. Est-ce que j'en parle ou j'en parle pas? T'en parle. Je me demande si c'est correct au niveau astral ou pas. Moi aussi, je me demande. Bon, mais répondons. C'est parce que je connais pas tout le monde dans la salle. Non, ça je comprends, mais les gens ici, c'est correct. Il faudrait que tout le monde me le dise un à un, tu sais. J'en parlerai plus. Non. Je pourrais plus ou j'aurais plus besoin. Bon, un autre conférencier en termes supplémentaires a dit lors de sa dernière conférence que le Nazaréen était un Christ de bon gars. Bon, en partant, c'est sûr que ça ne peut pas faire bien qu'il était un Christ de bon gars. Et qu'il l'admirait. Ce signe ou que les deux antennes ont se rapproché. Bon, dans les semaines à venir, comme je vous disais donc ceci, cela, et voilà, la seule chose qu'il y a, c'est que présentement, il y a sur la planète Terre, et s'il n'y a rien, je vous dis ceci simplement pour vérifier dans l'astral encore une fois. Mais je ne sais... Mais tu ne devrais pas le dire. Non, c'est ça. Eh bien voilà, il est désolé, et ça n'a rien à voir avec vous autres. Présentement, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants que, même si on s'amuse et on rit, il y a des enjeux extrêmement importants pour l'autre, pour moi, puis pour le baptiste, pour Jésus. Il y a des enjeux qui sont vachement importants. L'autre antenne dit depuis des années qu'il est temps de sortir. La dernière fois, c'est pour tirer, fait qu'on l'a tiré. Il attend de rencontrer celui qui va le remplacer. Mais c'est pas le remplacer. Dans le passé, c'est la même chose. Et il y a plein de mécaniques, en tout cas, à travers cela, qui fait que les deux ont extrêmement, extrêmement hâte et peur, pour des raisons totalement différentes. C'est-à-dire que les deux ont peur pour les mêmes raisons, ont hâte pour les mêmes raisons, mais les raisons qui font qu'ils ont hâte sont totalement différentes des raisons qui font qu'ils ont peur. Parce que l'être humain a beau savoir, quand ça le regarde uniquement lui, en fonction de ce qu'il est par rapport à lui-même, il a besoin d'un confirmateur. Les deux deviennent chacun leur confirmateur. Si l'un des deux est un piège, l'autre est fait à l'os. Et il y a des possibilités que l'un des deux soit le piège mortel de l'autre. Et il y a des possibilités que les deux soient les deux galvanisateurs absolument essentiels pour que les deux s'en sortent parfaitement. Alors, à travers le temps, ils se disent qu'ils doivent se rencontrer parce que c'est ce qui manque à l'un, l'autre là. Et en même temps, il y a une conspiration cosmique qui a prévu d'installer un traquenard qui va faire en sorte que l'un va rencontrer ce qu'il pense que l'autre est et l'autre va être son terminateur. Il est descendu ici pour éliminer des futurs. Alors, les deux savent ça et les deux attendent. Puis, il faut qu'il y en ait un des deux qui bouge. Normalement, le plus qu'Étienne bouge en premier. Ben, c'est toujours lui qui s'est déplacé pour aller voir l'autre. La dernière fois, ils sont battus, puis ce coup-là, on sait pas trop. Pourquoi les deux initiés ont-ils une peur bleue de se rencontrer? C'est pas moi. C'est normal de répondre à l'autre question tout de suite. Alors, même si ça lit pas, là, je réponds tout en avance. Ouais. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'ils ont une peur bleue de se rencontrer. Est-ce que c'est le salut ou la fin? Qu'est-ce que t'en penses? C'est le salut. Dans le sens salut? Non, c'est très, très intéressant. On est rendu dans des temps que c'est évident qu'il faut que... Ah, ça officiel. C'est que moi, je vois pas de problème, mais... Ah non, je suis moins tu sais. Moi non plus, tu sais, quand tu marches à la rue et puis il y a des gens qui courent après, moi, je vois aucun problème. Non, c'est que c'est pas vrai. C'est que tu vois des problèmes, mais ton mental voit pas de problème. C'est qu'on dirait qu'il y a plein d'embûches, mais finalement, j'ai l'impression de connaître le résultat. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'est ça fait partie du piège. Du piège. C'est ça. Parce que j'ai été sollicité depuis tellement d'années pour rencontrer l'autre. Mm-hmm. On m'a payé, on l'a payé, on a tout fait. Certaines personnes sont devenues ses meilleurs amis. Ils ont été mes amis pour qu'on puisse se rencontrer. Ça n'a quand même rien donné. Puis tous deux, on sait qu'on est correct. Et c'est ça, il reste à savoir est-ce que c'est la jonction ou si c'est l'un des deux est une problématique pour l'autre, créée. On est sûr que non, mais ça fait partie des possibilités. Et ça peut être une conjonction d'un troisième, mais c'est bien compliqué. Bien plus complexe. C'est le meilleur roman d'espionnage et de ce qu'on pourrait écrire, c'est absolument parfait. L'idée même, par exemple, où une personne qui aurait une conscience, mais même encore là, je vais m'embarquer sur un terrain que je veux pas. Mais c'est très intéressant. Ben, je suis content que tu sèmes le doute. Oui, c'est moi. Ce qu'il faut faire. Y a-t-il des individus qui servent de lien entre les deux structures de supramentalisation? Oui, des très bons amis des deux parties qui font tout pour que les parties s'unissent. Et effectivement, il y en a plein. Plein. Il y en a. Vous savez, un qu'un, c'est déjà plein dans ces situations-là. Alors, il y en a quelques-uns dont... Il y en a un qui faisait la liaison parfaite, puis à un moment donné, ben, il n'a pas réussi à faire son travail. Alors, c'est un autre maintenant qui fait la liaison parfaite, puis travaille à faire le travail de l'autre. Et puis, il y a d'autres personnes, évidemment, qui font des liaisons, qu'ils le sachent ou pas, mais il y a plusieurs personnes qui font la liaison. Et au niveau, par exemple, d'investissement, il y a des liaisons. Et au niveau, il y a plusieurs liaisons de fait, parce qu'au niveau, les individus d'un bord ou l'autre sont des individus similaires, qui recherchent la même chose, chacun l'exprime à sa façon, dans des mots ou dans des snobismes différents. Et de plus en plus, il est temps que les personnes finissent par s'ouvrir sur d'autres créneaux, pour travailler beaucoup plus vers la construction d'une mécanique supramentale intelligente terrestrifiée, plutôt que de travailler toujours en forme de compétition interne ou externe avec des mécaniques. Mais ça, chaque personne va vivre son calvaire, parce qu'il y a des personnes présentement qui sont près de moi, qui vont quand même devoir passer par une forme de calvaire. Ça va être très pénible s'ils résistent, très facile s'ils ne résistent pas, en fonction de ce que je vais faire, évidemment. Et puis, il y a des personnes très près de l'autre antenne aussi qui sont présentement en train de se faire à côté raide ses murs. Et puis, il y en a qui vont passer au craqué d'autres aussi. Alors, c'est pas rose pour le phénomène supramental, mais c'est des mécaniques qui sont présentement essentielles et qui vont permettre d'alléger énormément les structures après. Ça va alléger la structure supramentale, ça va l'annihiler totalement ou ça va la libérer complètement. Les heures seront-elles en rapport avec l'ordre hiérarchique? Il n'y a pas d'ordre hiérarchique au niveau des mécaniques supramentales. Les ordres hiérarchiques, ça sera en rapport avec la conscientisation. Oui, c'est ça. C'est que la confrontation, c'est qu'il reste encore des égaux un peu partout. C'est de la confrontation. La confrontation peut se faire au niveau de la hiérarchie des égaux. Au niveau supramental, il n'y a pas de hiérarchie. Ce qui est là. Ah, mais je parle chez les individus, c'est ça. Mm-hmm. Parce que les individus sont encore dans tous les côtés. Les individus ne sont pas encore suffisamment désinhibés. Et chaque partie a des éléments essentiels à l'autre. D'où l'intelligence, nécessairement, qui a à un moment donné une rencontre. Il y a déjà des contacts au niveau énergétique. Mais ce qui manque, c'est au niveau de la terrestrification. Il y a deux individus qui devront, à un moment donné, faire quelque chose. Et ça, c'est évident. Quand? Pourquoi? Pourquoi c'est su? Quand? On ne sait pas. Puis comment? On ne sait pas non plus. On a des bonnes idées, mais on ne sait pas. Vois-tu, c'est intéressant parce que, il y a quelques temps, j'ai sorti 5 titres de conférences. Oui. Ma première rencontre avec, je sais plus quoi, ma première rencontre avec des anges, ma première rencontre avec des extraterrestres, donc des archanges. Vendredi, ma première rencontre avec Dieu, puis le vendredi d'après, ma première rencontre avec moi-même. Ça tombe pile. Ah ouais, ça tombe. Parce que ça, c'est une chose, mais la quantité de mécanique qui s'adonne que tout arrive à la même, en même temps, c'est là que ça devient problématique. Faudrait que Richard Glenn s'en mêle. Hey, c'est déjà assez compliqué comme ça. Ah, Richard Glenn, il sait bien des choses. Il sait bien des choses. Bien des choses. Il attend à lui longtemps bien des choses. Avec ses caméras, mais des fois, il attend pas de caméra. Il attend pas rien que ses émissions. Il attend aussi pour lui. Réincarne qui, tu penses? J'ai déjà connu, je suis convaincu. Non. Docteur Frankenstein? Je sais pas. Pas? Non. Je connais pas l'histoire. Je peux pas, je connais personne. Bon, c'est vrai, la seule histoire qu'il a appris, c'est sa petite histoire à lui. À travers ses réincarnations. C'est à peu près tout, t'es encore là. T'as toujours été pas mal sauvage, d'ailleurs. T'as toujours été ce que t'es aujourd'hui. Dans tous les sens, puis aujourd'hui c'est mieux. Ça doit être beau. c'est vrai. On va finir les questions. Feu. Durant cette période de carême, bonjour Daniel, premièrement. Durant cette période de carême et à quelques jours de la semaine de la Passion, explique-moi les techniques du pardon. Comment arriver à pardonner les fautes d'autrui qui sont les nôtres? Tout ce que l'humain a à faire, c'est de travailler chez lui pour se pardonner à lui ces choses. Et se pardonner, ça ne veut pas dire, bon, je me pardonne 20$ que j'ai piqué à l'autre tout à l'heure. Puis il s'en va. Le pardon, c'est pas une question de mots. Ça, c'est un pardon de pharisien, ça, quand on pardonne avec les mots. Le pardon de soi-même, c'est le pardon de l'extérieur. Alors, c'est évident qu'on peut y aller par plusieurs étapes. On va commencer par s'arranger pour rencontrer une personne, pour la mettre à l'aise par rapport à nous. Alors, si j'ai l'impression que je devrais te pardonner quelque chose, la première chose que je devrais faire, ce serait de te rencontrer pour te mettre à l'aise avec moi. Si je te mets à l'aise avec moi, c'est que tu es pardonné. Bon, après, il faudra vérifier s'il n'y a pas une partie de mon ego qui continue à faire en sorte de me nuire avec ce que tu me devrais théoriquement. Là, il faudra que j'aille, moi, me pardonner. Et me pardonner, ça veut dire m'absoudre de la culpabilité qui m'habite. Ça, le pardon. Alors, si vous vous sentez coupable quelque part de n'importe quoi, le pardon n'existe pas chez vous. Alors, je donne souvent l'exemple d'une autopatrouille qui arrive dans votre en arrière, Michel, par exemple. Vous le voyez dans votre rétroviseur. Vous vous sentez coupable de quoi que ce soit. Vous vérifiez le tachymètre, la ceinture. Bon, vous vous sentez coupable de rien, c'est que chez vous, il manque totalement de pardon. Le pardon, c'est pas une mécanique spirituelle. Quand on spiritualise le pardon, on en fait un snobisme. C'est une fleur, une beauté, il faut pardonner, il faut s'entre-pardonner. Bon, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est la capacité de dissoudre totalement la culpabilité. Donc, si je le pardonne, il ne se sentira plus coupable, consciemment ou inconsciemment, de me vous rencontrer. Donc, il ne se sentira plus mal à l'aise de me rencontrer. Donc, il n'aura plus besoin ou il n'aura plus peur de me rencontrer. Maintenant, il peut avoir des difficultés à me rencontrer parce qu'il ne se pardonne pas des choses qu'il m'a fait ou parce qu'il ne se pardonne pas des choses que je lui ai fait. Bon, alors, il peut avoir des difficultés à me rencontrer parce que je ne lui ai pas pardonné. Et il peut avoir des difficultés à me rencontrer parce qu'il m'a fait des conneries qu'il ne peut pas se pardonner. Ça peut être rétroactif à des vies antérieures dans certains cas, mais normalement, c'est ce qui va arriver. Alors, le pardon, c'est quoi? Et ici, la personne, elle a donné des raisons pour parler du pardon, on n'a pas besoin. Le pardon, c'est la capacité d'absoudre la culpabilité qu'on a chez nous. Donc, on doit faire ça. Ce qui va faire en sorte que si j'ai des conneries que j'ai faites avec des personnes, c'est très intéressant de les rencontrer. Vous avez, de temps en temps, vous pensez à un de vos vieils amis, puis il y a du bon temps avec lui, puis vous l'avez perdu de vue à un moment donné. Après ça, on commence à fouiller pour le plaisir de voir s'il n'y a pas des conneries, des stupidités, des affaires absolument débiles que je n'y aurais pas faites. Puis à un moment donné, on peut en découvrir. Mais là, si on prend le principe du fasciolata pour vérifier la capacité à l'ego de souffrir le passé, on peut peut-être découvrir qu'il y en a plein là-dedans. Là, on aurait intérêt à chercher dans le bottin, à essayer de retracer l'ami en question, le rencontrer, puis aller s'excuser simplement de ce qu'on y a fait. C'est sûr que tu n'arrives pas là, puis pas au téléphone, là, faut le voir. Quand tu le rencontres, ben, tu lui dis pas, bon, ben, je m'excuse de tout ce que je t'ai fait quand j'étais jeune. Ben, il va penser que tu es des Krishna ou des témoins de Jéhovah, il comprendra plus que tout, là. Mais on doit jaser avec lui un peu du passé, puis après ça, on doit lui expliquer. Tu sais que souvent, moi, en réalité, je te niaisais. Tu sais, je me rends compte, là, en parlant avec toi, que je t'ai toujours aimé énormément, mais je me suis aimé convenablement. Là, on parle. Mais là, progressivement, lui, on va subitement libérer quelque chose chez lui que peut-être que lui n'a jamais vu. On va le rajeunir, il va se sentir allégé. Oui, on vient de l'aider à se pardonner. On vient de lui pardonner, et en parlant avec, on se pardonne. Mais là, on vient de grimper dans l'échelon de l'homme nouveau. Et ça, c'est un travail que les initiables auront à faire. C'est un travail que, dans la désinhibition, plusieurs auront à faire ce travail-là de recherche du passé pour être capable. Mais en réalité, c'est pas le passé. Mais c'est d'aller te désinhiber carrément en face de choses qui sont chez toi par rapport à des individus avec lesquels tu as créé ces choses-là. Bon, ça, lui va se pardonner, vous allez vous pardonner et il va te pardonner. Tu vas te pardonner. Si l'autre te déteste énormément après, ça ne change absolument rien. Tu te pardonnes, il te pardonne, sauf qu'il n'arrive pas à communiquer son pardon convenablement. Parce que le pardon, ça ne donne pas nécessairement de l'amour, ça donne une liberté. Pas une libération, ça donne une légèreté. Libère de l'énergie qui était stagnante ou bloquée dans une région particulière. Alors, c'est la mécanique du pardon, puis l'être humain doit nécessairement apprendre à pardonner. À pardonner comme ça. À se déculpabiliser, à dissoudre la culpabilité chez lui. C'est pas à se convaincre qu'il n'est pas coupable. Parce que le mental va savoir qu'il n'est pas coupable pendant, regardez ça, avec le facial de la vous allez voir qu'il est totalement coupable, il est fait à l'os. Alors, le pardon, c'est une mécanique d'anégoïsation douce qui s'adresse à l'astral. Et ça doit se faire avec selon les lois de l'astral. Et non pas, selon les lois du mental, on n'y arrivera pas. Quel était le rôle de Marthe et Marie auprès du Nazaréen? Sont-elles réincarnées aujourd'hui? Qui écrit ça? Tu connais pas cette écriture-là? Non. Non? OK. En tout cas, s'ils ne sont pas réincarnés, ils font tout pour le passé. Ils vont se réincarner. Ils travaillent fort. Marthe, c'est une personne qui a travaillé à alimenter le corps physique, vital et astral du Nazaréen. Marie, la mère de Jésus, a servi à le créer. Marie, la sœur de Lazare, elle a servi à alimenter la lignée génétique de Jésus. Elle a servi à alimenter le corps astral et le corps mental du Nazaréen. Puis Marie-Madeleine, souvent Marie, la sœur de Lazare, m'est mêlée avec Madeleine, la prostituée, puis les gens parlent de Marie-Madeleine. Madeleine, elle a servi à nourrir le corps astral, le corps mental et le corps christique du Nazaréen. C'est les rôles, grosso modo. Bon, on pourra en parler longtemps, évidemment, là. Il y a beaucoup de questions. Mais Marie, mais Madeleine, là, comment pouvait-elle nourrir le corps christique? C'est une sorcière, Madeleine. OK. Alors, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était prostituée, c'est qu'elle attirait des mâles chez elle, et puis elle leur siphonnait au maximum d'énergie vitale, et puis elle les envoyait. Les bonhommes étaient bien heureux, là. Elle ramassait de l'argent, parce que c'est comme les prostitutions, mais elle ramassait énormément d'énergie vitale. Elle avait plusieurs chats noirs. Les chats noirs, d'ailleurs, c'est des chats qui sont réceptifs à l'énergie vitale des hommes. Et par la suite, elle flattait ses chats, elle aimait ses chats, etc. Les chats lui redistribuaient son énergie vitale. Alors, Madeleine, c'était une grande, c'était une prêtresse, une sorcière. Et elle a fait énormément de choses. Et puis, c'est l'une des premières à avoir reconnu... lorsqu'il y avait des problèmes de perte d'énergie. Tout se faisait énergiser. Madeleine, Morgane, se reconnaissent? Il y a plusieurs personnes là-dedans, à travers la lignée, là, qui reviennent dans... tous ceux qui ont côtoyé Merlin, puis Arthur et le loup. Je ne délivre pas encore le produit, mais je sais que c'est pour bientôt. En quoi suis-je menacé? Il y a 20 ans, c'est ça que je disais, moi, que c'était pour bientôt. Puis là, maintenant, j'ai pas l'impression que c'est pour bientôt. J'ai peur que ce soit pour bientôt. Alors, vous avez peut-être encore bien du temps avant d'être menacé. Vous n'êtes pas encore menacé. Et essayez pas de faire une fierté d'être menacé. Oh, je suis pas menacé parce qu'il pense pas. Vous n'êtes pas menacé. Je sais qui est menacé. Toi. Il veut tellement pas qu'on le dise. Tu es prêt? Quoi? Tu vois ce que tu viens de dire? Que tu veux pas qu'on le dise? Non, non. La première chose que tu as dit avant, que je suis menacé. Je veux pas, mais probablement. Mais plus je peux être capable, plus je vais être capable de m'amuser, moins tu vas être menacé. Faut qu'on s'en reparle. Ah, juste aller à soir. Tu débarqueras ma Marie sur le bord de la caisse. Oui. Alors que l'absolu ne se sent pas concerné par Maya, on dirait que tu travailles dans Maya pour avoir une bifurcation positive. En quoi l'absolu est-il concerné par Maya et par tes préoccupations de bifurcation? OK, cette personne-là ici, elle est vraiment, vraiment trop entachée de certaines formes, de certaines illusions. Elle doit faire attention parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est très, très, très, très, très aveugle. Il vient un moment donné où on prend des mots puissants pour décrire des choses. L'exemple que je vais donner, c'est la personne qui dirait « Oh, mais c'est des concepts, ça ne voyait pas que des concepts, ça! » Concept, c'est un concept aussi, le casque. Commence par voir chez toi. Okay? Et il y a des personnes qui vont être capables d'aller jouer dans une subtilité absolument parfaite. En quoi l'absolu s'intéresse de Maya? Maya est dans l'absolu, en partant. Bon, fait que c'est évident que l'absolu s'intéresse de Maya, l'absolu s'intéresse à lui-même. Bon, quand on parle de bifurcation, c'est pas vrai. Je ne veux pas créer de bifurcation, je veux faire en sorte que ce qui doit être soit. Il y a plein de choses que je ne veux pas parler présentement, ça fait partie de ce qui est présentement totalement actuel, ce qui fait que je ne veux pas nuire. Alors, l'absolu ne se sent pas concerné par Maya. Ben, qui c'est ça? On dirait que tu travailles dans Maya, l'illusion. Hein? Bon, pour avoir une bifurcation positive, non? Et en quoi l'absolu est-il concerné par Maya, par l'illusion, et par tes préoccupations de bifurcation? Vous savez, la majorité de l'absolu est inclus chez moi. Et Maya aussi. Alors, c'est évident qu'il y a un ajustement qui doit se faire. Ouais. Explique abattre les armures du Graal. Oh, mais ça, c'est pas une bonne question. Mal écrit. Quelles sont les armures du Graal? C'est quoi? Tu veux être son complice? Mais j'ai déjà été de toute façon. Ouais, je sais bien. On reviendra après, on posera le reste des questions. Pendant une grande partie du PMC+, dernier, il y avait un stress astral qui me préoccupait. qui, oui, qui me répercutait. Wow. Il y a plusieurs personnes pendant le PMC+, qui se sentaient chouchepec. Et alors, qu'est-ce qu'elles se disent? Elles se disent, bon, ben, je vais attendre à la fin, puis on verra voir s'il va répondre à mes questions ou il va expliquer. Non, voyez-vous, c'est que si pendant le PMC+, vous me posez la question au début, bien là, on va établir immédiatement un canal énergétique entre vous et moi. Et puis là, que je réponde ou pas, vous allez comprendre beaucoup plus facilement tout ce que vous avez à comprendre. Si la personne a dit, oh, je vais attendre à la fin, voir s'il n'y a pas un autre qui a posé la question ou s'il ne va pas répondre. Même si je réponds 20 fois à votre question, s'il n'y a pas de canal qui est établi convenablement, probablement que vous ne pourrez pas comprendre. C'est important qu'on communique ensemble, surtout lors d'un PMC+. Alors, il y en a qui, à la pause, ils viennent voir, on jase. Pas nécessairement d'évolution, mais on parle entre nous. Et quand on continue par la suite, la communication se fait à merveille. Ça comprend facilement. Ceux qui étaient là, bon, vous avez vu, il y avait un jeune qui était là, autour de 8 ans, bon, 9 ans, bon. Parce qu'on établit une communication énergétique dès le départ. Ben, tout le long du PMC+, il comprenait probablement autant que la majorité des adultes qui étaient là. Puis pas parce qu'il était là, il posait des questions, c'était évident qu'il comprenait. En plus, il était même rendu suffisamment à l'aise pour qu'on s'amuse ensemble. Bon, devant tout le monde. Puis suffisamment à l'aise pour que lui et moi, on puisse s'amuser sans que ça dérange la majorité. Bon. Alors, c'est très, très, très, très, très important, c'est de profiter de l'occasion quand on fait des choses pour pouvoir établir des communications sans qu'il y ait des gens qui attendent trop longtemps. Je ne dis pas uniquement en rapport avec la question-là, mais c'est important. Il y a des personnes qui se disent tout le temps, bon, ben, je vais attendre. Dans un séminaire, c'est souvent la même chose. Ceux qui font le séminaire pour la première fois, bon, ils vont attendre. Parlez-moi une fois. Je parle aux gens, mais parlez-moi une fois. Et puis après ça, ça aide énormément ce que j'ajuste inconsciemment. Ce que j'ai à dire, à ce que vous avez à comprendre. Et ça permet en même temps, ça vous permet de vous brancher des résonances qui vont vous permettre de comprendre chacun en fonction de ce que vous avez à comprendre. Puis le texte n'a plus tellement d'importance. C'est de l'énergie que je descends, c'est pas des mots. Bon, il faut qu'on parle pour établir un canal, puis après ça, ça va bien. Tu compris? Je vais continuer. Ça répercutait dans le corps physique par un pompage plus puissant du cœur, l'humidification des mains et des pieds et autres. Je conscientisais la situation et j'essayais de cibler la partie qui s'exprimait. Maintenant, je me demande si c'était une égoïsation ou une anégoïsation. Si c'était les deux, quelle attitude ferait qu'il y avait une anégoïsation? Une égoïsation. Bon, c'est effectivement probablement les deux qui se sont passés. C'est que son ego résistait à une prise de conscience qui peut-être avait été vue par d'autres. D'autres avaient pris conscience de certaines choses. Quand on prend conscience, on rejette déjà une partie de l'antium. Ça plane dans l'atmosphère. Ceux qui résistent perçoivent ça et entrent automatiquement en lutte contre. Donc, l'ego va exprimer dans le système endocrinien des mécaniques particulières. Maintenant, la personne a pris conscience de ça. Si elle était placide devant sa conscience, elle était capable de rester humble devant ce qu'elle voyait, elle s'anégoïsait. En même temps, l'ego s'égoïsait. Alors, on avait une poire avec la pointe en bas, puis le corps en haut, puis lentement, ben, le corps est rendu en bas, la pointe est rendue en haut. Ça s'est anégoïsé en haut, puis s'est égoïsé en bas. La personne, elle peut avoir tiré avantage à ça, parce qu'on égoïse peut-être des fois des parties qui nuisent pas trop, puis on anégoïse des parties qui nuisaient énormément. C'est pas un problème. Mais effectivement, c'est probablement les deux mécaniques qui sont passées en même temps chez elle. D'où le priori de Sion tire-t-il son pouvoir? Question de l'astral ou est-ce de l'astral? Bon, ça aussi, c'est le genre de questions qui, dans les prochains mois, prochaines années, vont être de plus en plus d'actualité. Ou dangereuses? C'est parce que ça va être d'actualité, parce que ça va être le temps que certaines personnes apprennent à contrôler et à connaître et à contrôler certaines formes d'énergie. Il y a de l'énergie physique, vitale, astrale, mentale, supramentale, bouddhique et divine. Mais ça, c'est en ce qui concerne le monde de l'homme. Mais il y a beaucoup d'autres plans parallèles. Alors, il y a des énergies qui, présentement, peuvent être manipulées par des forces extraterrestres. Et cette énergie-là, elle n'est pas physique, elle n'est pas vitale, elle n'est pas astrale, ni mentale, ni supramentale, ni bouddhique, ni divine. Et cette énergie-là, elle a la capacité de venir s'implanter à peu près entre le plan astral et le plan vital, ou entre le plan vital et le plan physique. Le priori de Sion tire une partie de son énergie dans un endroit où les plus évolués des êtres humains n'ont pas accès. Pourquoi? Parce qu'ils tirent leur énergie d'une source créationnelle qui est différente des contextes spatio-temporels ou du continuum que l'on connaît nous-mêmes ici. Et cette énergie-là, placée dans notre contexte, c'est une énergie qui peut être comme une maladie, un virus puissant, une énergie qui peut être extrêmement destructrice, mais qui ne peut pas être contrée actuellement par les énergies contactées déjà par l'humain et qui ne pourra pas non plus être nécessairement contrée par les autres créneaux d'énergie qu'on va aller chercher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une force d'invasion énergétique extraterrestre qui va arriver. Et le Nazaréen ne pourra rien faire contre. Lazare ne pourra rien faire contre. La majorité des contacts, un contacté supramental ne pourra rien faire contre. Un contacté bouddhique ne pourra rien faire contre. Et c'est pourquoi les deux antennes supramentales ont une peur bleue de tomber dans un piège, dans un traquenard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour se battre contre ce genre de puissance. Bon. Et connecté au plan bouddhique, tu ne peux pas te défendre. Connecté au plan divin, tu ne pourras pas non plus te défendre. Qu'est-ce qui doit être fait? Oui. L'humain doit être capable de faire résonner chez lui des alliances entre ces mécaniques-là pour parvenir à créer des forces énergétiques qui vont de lui partir et être capable de lutter, d'affronter les énergies qui viennent de d'autres mondes. Et le priori de Sion est relié à l'astral. Il va communiquer dans l'astral, mais sa dynamique n'est pas terrestre. C'est un intermédiaire pour atteindre l'humain. Oui, pour atteindre l'humain. Et on peut attaquer l'astral, changer l'astral. Mais à un moment donné, il y aura des individus manipulés d'une façon totalement implacable que l'ésotérisme conventionnel ne pourra pas arrêter. Quand tu envoies quelqu'un assassiner... ça peut être John F. Kennedy. Quand tu envoies quelqu'un assassiner le Mahatma Gandhi, quand tu envoies quelqu'un assassiner John Lennon, quand tu envoies quelqu'un assassiner des personnages de ce genre-là, l'astral au complet ne les protège plus. Toute la mécanique, quelqu'un qui veut assassiner le pape, le gars a manqué son coup. Bon, mais le pape n'a pas été protégé. Alors, comment ça se fait qu'à un moment donné, il y a des individus qui sont totalement, superbement bien encadrés, qui ne sont pas protégés de certaines formes d'expression énergétique dans l'humain? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Arthur avait un point faible, Lancelot avait un point faible, tous ces humains-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécaniques qui interviennent ici et qui ne font pas partie des structures énergétiques qui bâtissent l'humain. L'humain n'a pas ce qu'il faut pour se défendre contre ça. Donc, l'humain devra se faire des alliances extraterrestres avec des mécaniques capables d'aimer l'humain. Donc, il y aura une affinité énergétique entre les deux clans et eux pourront protéger. Ça peut se faire. Un peu comme dans la conscientisation vers l'être nouveau, nous ne serons pas capables de prendre les armes, d'aller massacrer des populations d'imbéciles qui veulent nous attaquer. C'est un peu bon. Ça, mais on a l'air fou, par exemple. Alors, on a besoin des Américains. Dans notre structure de conscientisation sociale, on devient des êtres faibles parce qu'on n'est pas capable de trouver comment manipuler celui qui est trop bas. Et on n'est pas capable de prendre les armes pour aller massacrer lui et tous ses enfants de façon à ce qu'il ne les recrée pas. Alors, il y en a quelques-uns aussi qui vont dire « Oh, moi, je suis capable, moi, je suis capable. » Oui, mais s'il y aurait à le faire tout de suite, peut-être qu'ils découvriraient qu'ils ne sont plus capables, mais qu'ils pensaient qu'ils étaient capables, parce qu'ils ont déjà été capables. Mm-hmm. Puis dans pas grand temps, ils ne pourront plus l'être non plus. Alors, il manque quelque chose entre les deux. Il manque les États-Unis d'Amérique. Ils sont là pour ça. Mais au niveau humain, au niveau du plan cosmique, il y a effectivement certains problèmes qui font en sorte qu'on n'a pas tous les outils nécessaires. Et moi, j'ai beau être relié à mon esprit, j'ai beau être dans un processus totalement préfusionnel, même fusionnel, j'ai beau être en contact avec le plan supramental et le plan bouddhique, il y a des phénomènes que quand je les rencontre, je ne sais pas. Et quand je dis « je ne sais pas », c'est que je suis sûr que c'est correct, puis en même temps, il y a une saveur quelque part qui me dit que je ne peux pas savoir que c'est correct. Donc, si je ne peux pas savoir que c'est correct, c'est comme si je reconnaissais là le traquenard. Mais en même temps, est-ce que c'est simplement une saveur qu'on envoie pour entourer quelque chose de correct de façon à ce que je n'y aille pas? Alors, quand on regarde l'autre antenne supramentale, est-ce le traquenard ou si le traquenard, c'est de ne pas y aller? Ça. Ou si le traquenard, c'est d'y aller? Tu ne sais plus. Parce que c'est extrêmement beau entouré de traquenards. Alors tu te dis, crime, c'est le traquenard au complet. Ça peut être le traquenard, ça peut ne pas l'être. Tu sais que tu ne peux pas savoir. Puis tu sais que le temps approche. Oh. Ça veut dire qu'à la base, ça veut dire qu'à la base, l'humain qui ne peut plus pouvait avant, contre ces forces-là. Ou bien non, si jamais il n'était capable. L'humain n'a jamais pu avant. Jamais. Sauf, non, il y a beaucoup de ces forces-là qui sont devenues... Je ne parle pas de celui qui se conscientise, mais celui qui... Oui, était... absolument. Mais il y a beaucoup de ces forces-là qui sont venues dans le passé, qui sont venues s'allier à l'humain. Ils ont manipulé l'humain, ils ont dit à l'humain, écoutez, nous on est la mafia, et puis on va vous vendre la protection. Ouais. Daniel, c'est pas ça. Ces forces-là qui gouvernent les nations? Est-ce que c'est ces forces-là qui gouvernent les nations? Non, c'est pas ces forces-là qui gouvernent les nations, mais de temps en temps, c'est ces forces-là qui interviennent dans les nations pour obliger des transformations radicales. Mais ces forces-là ont toujours été des forces qui ont travaillé contre les mécaniques azariennes. C'est des forces qui ont travaillé contre tout ce qui était ascensionnel. Et ce sont des forces qui attendent surtout. Ce sont ces forces-là qui ont envoyé l'Atlantide au fond de l'eau. Et ce sont ces forces-là qui s'attendent aussi, à un moment donné, à récupérer au maximum dans les temps qui viennent. Alors, l'idée, c'est d'éliminer les individus capables de descendre d'une nation supramentale sur la Terre avant de lancer leur grande offensive. Parce que si, à un moment donné, il y a une synergie trop forte qui est accomplie, ces énergies-là ne pourront pas éliminer la descente d'une nation supramentale sur la Terre, ce qui fait que, malgré que leur offensive va probablement se faire, là, c'est plus sûr qu'ils gagnent. Alors que s'ils peuvent éliminer les précurseurs ou les antennes ou ceux qui vont amener, une nation, enfin, suffisamment d'énergie supramentale pour couvrir les humains sur le plan planétaire, s'ils peuvent les éliminer avant, ça va énormément aider. Bon, les lapins, ils ne peuvent pas les reconnaître. Bon, c'est ça, j'allais dire. Là, pourquoi faire qu'ils agissent pas tout de suite? Parce qu'ils ne peuvent pas les reconnaître. Les individus ont l'air trop... Non, les individus ont l'air trop banals. Les autres, ils savent... Bon, c'est un peu comme si tu pars avec la photo d'un roi. Tu retournes 300 ans en arrière ou 3000 ans en arrière, tu recherches le roi. Mais le roi, là, il n'a pas encore été élu. Mettons, tu recherches Arthur. Est-ce que tu vas aller voir à travers les enfants intelligents qui servent de palefreniers à des fermiers? Bon. Puis même si l'enfant, il dirait ce que tu voudras qu'il dise. Tu vas dire, lui, là, tu sais, il a une chance qu'il n'est pas roi parce qu'il serait dangereux. Puis là, tu continues à chercher. Puis à un moment donné, ben, le roi arrive. Quand le roi arrive, c'est dans une situation où ce que Arthur ramasse Excalibur, et il y a trop d'individus qui le reconnaissent, la synergie se crée automatiquement, on ne peut plus l'éliminer. Et puis, les forces se ramassent pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir le contrer, et c'est là qu'il rencontre Lancelot. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le Graal au chevalier progressivement, on ne peut pas le faire à Arthur, vu que c'est le Graal. On retire le Graal au chevalier un après l'autre, on va arriver à détruire la table ronde au complet. Jusqu'à temps que Perceval parvienne jusqu'au Graal, ne dorment pas. Hein? Les apôtres s'étaient endormis, ont tout perdu. Là, les chevaliers arrivent et puis ils sont tellement fatigués qu'ils boivent tout dans le Graal pour dormir un peu, puis ils se ramassent tout plus ou moins, en tout cas. Et Perceval va finir par se pointer. Il n'y a plus d'armure, donc il est nu. Les gars d'Otto se pointent nus devant le Graal, donc un égoïque. Puis la question, c'est qui suis-je? Puis l'autre, il répond, tu es le gardien du Graal. Et qui suis-je? Puis finalement, Perceval répond, tu es Arthur, tu es mon roi, tu es mon seigneur. Puis là, tout le Graal revient en Angleterre. Il fallait que quelqu'un d'autre trouve ce qui était déjà su. Bon, alors, c'est toute l'histoire est la même chose. À l'époque, on a essayé de les éliminer. On y est parvenu plus ou moins. Eux sont morts, donc ce qui est arrivé simplement, c'est qu'Arthur et la gang ont fui l'intervention de ces énergies par la mort. Et ils se réincarnent dans un autre temps. Mais ces énergies-là, là, vu que le temps est un continuum fixe, maintenant, ils doivent fouiller à travers le temps pour les retracer. Présentement, ils ont retracé le temps. Ils sont là, ils sont placés. Ils sont vraiment prêts depuis quelques temps, là, ça vient s'installer. J'ai déjà expliqué, là, peut-être quelques années, je ne sais plus trop combien d'années, qu'il y avait de plus en plus des mécaniques noires qui sont en train de s'installer autour du contexte planétaire, dans le but de faire une intervention majeure au niveau des mécaniques supramentales. On en est rendu à un temps où c'est relativement près, c'est très près, ça touche, de ce temps-là. Et ces mécaniques-là ont été dans l'avenir. Ils ont trouvé dans l'avenir les individus qui engendrent des choses. Dans l'avenir, ces individus-là peuvent se protéger. Alors, ils viennent dans le passé pour essayer d'éliminer au départ ce qui peut engendrer l'avenir, pour conserver ce qui est là-bas. Et donc, je ne veux pas créer de bifurcation. J'arrive de là. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en crée pas une, justement. Par rapport à l'humain, on crée une bifurcation. Pas par rapport à moi. Alors, ce sont des choses qui se trament depuis longtemps. Et puis, ça va encore se tramer un bout de temps, mais les choses vont de plus en plus se diluer. C'est bien. Je trouve pas. Oh, ouais, mais c'est parce que, vous voyez, tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Hein? Il commence à en avoir. Ouais, bon. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a du travail. Quel? Oui, il y a du travail, mais il va falloir qu'on s'amuse. C'est la meilleure arme. Pas niaiser, là. Ah, parce que je trouve ça gros, là. C'est je t'en ai demandé, je suis pas en train, je suis pas en train de rêver, là. Ouais, mais non, c'est plus gros que ça encore. Ouais, ouais, c'est ça. C'est terriblement plus gros. Mais on est quelque chose. On est très grand aussi. Eux sont sortis de leur coquille. C'est pour ça que ça paraît très grand. Ouais. Ça pas encore fini, ils s'installent, ils se placent. Comme les Américains, vous entendez, il y a même du stock. J'espère qu'on fera pas comme les Irakiens, moi même. Ouais. Quel intérêt as-tu? Mais vois-tu David puis Goliath, tu connais? Non. Non. C'est vrai, c'est en sixième qu'il enseigne ça. J'aurais dû dire oui, hein. J'aurais dit, bon, ben, compte-moi dans l'histoire. C'est un immense géant, je te résume à ma façon. Là, moi, je suis à ma façon, je compte des histoires. C'est un immense géant qui fait peur à un paquet de monde. Puis, à un moment donné, il y a un petit roi qui est très, très jeune à l'époque, qui est vraiment pas grand corps. C'est un adolescent. Il s'appelle David. Puis, lui, ben, il joue à Thierry Lafronde, tu sais. Ben, Thierry Lafronde, c'est bien après, parce que David, c'est avant Jésus-Christ. Et puis, à un moment donné, il y a une forme de tournoi qui va se faire. Puis, l'autre, David, il dit, écoutez, il va voir le géant Goliath. Puis, il dit, c'est donc d'écœurer ma tribu. Mon peuple, passez votre temps à les tuer, puis l'autre, oh, oh, oh, si tu penses que. Fait que David, il lui dit, écoute, on se prend toi deux en duel. Si je perds, tu ramasses la gang, ils vont te suivre. Puis si je gagne, ta gang, elle s'en va. Goliath, ben content. Fait qu'ils viennent pour se battre. Mon David, il sort sa fronde, puis il envoie une pierre dans le front, puis il laisse s'arrêter là. C'est gagné. David et Goliath, c'est l'idée. T'sais. C'est pas à cause que l'autre est grand et puissant, tout ce que tu voudras, qu'il va nécessairement gagner. Parce que l'intelligence, la ruse ou d'autres choses chez le plus petit peut être extrêmement plus grand. Alors c'est pour ça, c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Hein? C'est tout à fait québécois. Quel intérêt a-t-il la priorisation à une apocalypse si un des résultats est la disparition de tout égrégore religieux terrestre? Le prieuré de Sion fait partie des énergies noires qui ont manipulé, à un moment donné, le peuple sioniste, le peuple juif, à vendre l'humanité au complet dans sa génétique aux extraterrestres. Et on a promis une planète Terre avec des égrégores, on a promis un paradis à une grande partie des individus qui se réincarnent régulièrement à travers des personnalités du prieuré de Sion. Alors, eux, théoriquement, ne voient pas, s'ils gagnent, ils ne perdent rien. Tout le reste s'en va, mais ça dérange rien, ouais. Ça permet de purger pour les autres. C'est leur fin, les autres. Les autres égrégores seront-ils détruits en même temps? Oui. Le prieuré de Sion fait-il la guerre aux dieux en se servant de ses esclaves, les humains, et en s'enlevant complètement complètement les mains pourvu que leur pouvoir sur la planète est maintenu. C'est très cela. Il y a certains dieux qui appartiennent aux prieurés de Sion, mais en majorité, c'est comme ça. Le prieuré de Sion travaille contre tout ce qui est contre lui. Mais les dieux qui leur appartiennent, ils l'ont créé, mais sachant qu'ils le créent. Oh oui, puis ils s'en foutent qu'ils disparaissent. Ça ne dérange absolument pas, c'est des outils. Bon, c'est ça, OK. Y a-t-il quelqu'un qui peut parler librement du prieuré de Sion sur la planète sans danger de mort pour autant? La transparence doit-elle être autorisée sur la planète? Très souvent, c'est pas la bouche qui est mise en danger, c'est les oreilles de ceux qui comprennent. Alors oui, quelqu'un peut en parler sans danger de mort pour lui. Mais ça ne garantira pas la longévité de ceux qui vont comprendre. Ils vont comprendre quoi? Ce que la personne va dire du prieuré de Sion. Moi, tout expliquer du prieuré de Sion, mais tu ne vivras pas vieux. C'est ça, il est correct. Moi, je suis correct. Toi, tu ne vivras pas vieux. Ça dépend de l'intention que j'ai à partir des informations que j'ai. Oui, c'est ça. La personne qui pose la question, c'est mieux qu'elle ne sache pas trop de choses pour l'instant. Parce qu'elle en sait déjà beaucoup. Oui, pas mal. Comment l'homme peut-il résorber la création s'il est promis... C'est la personne qui parle du prieuré de Sion présentement, là. Mais c'est ça, c'est qu'elle est très faible de ce côté-là. C'est un de ses points faibles. Présentement, c'est une personne, ça, qui... Bon, je vais le dire, mais la personne devrait prendre ça avec un sourire. Bien, si elle est capable. C'est vrai, hein? C'est une personne ça, qui appartenait au prieuré de Sion, puis qui ne veut plus être dans le prieuré de Sion depuis quelques vies, puis qui l'a fui. Oui. Mais c'est ça, c'est très, très, très, très, très, très banal pour toi, je comprends. Non, parce que... Ah, ok. Je comprends. C'est pour ça que la personne est lancée, elle est lancée suffisamment, il faut pas qu'on la... faut pas qu'elle lance, je trouve. Ben, c'est que les réincarnations qui, oh ouais, qui font en sorte que tu t'intéresses à... Elle a côtoyé de très, très, très près le prieuré de Sion. Et présentement, elle n'a plus rien à voir avec le prieuré de Sion. Mais des mémoires quand même qui sont là, des traces, des doigts. Meurtrier. Non, mais... Non, ils sont pas meurtriers. Non, pas les siens. Non, non, mais je sais, non, tu comprends, t'as compris télépathiquement. Les doigts, c'est ça, c'est les doigts qui sont chez elle, qui la retiennent, mais les doigts sont pas meurtriers. Il n'y a pas d'ongle qui a poussé rien, mais c'est préférable que les doigts, ils volent lentement, les doigts ont tendance à glisser, à s'éloigner, mais il faut pas que la personne en sache trop. Comment l'homme peut-il résorber la création si les premiers à fusionner s'en vont, et cela avec l'aide du prieuré de Sion, et laissant la planète complètement aux mains de celui-ci? Bon, le prieuré de Sion travaillant tellement contre l'humain, lorsqu'à un moment donné, les êtres humains seront suffisamment transportables, effectivement, dans leur structure, ils ne pourront plus travailler à empêcher le prieuré de Sion de travailler. Donc, le prieuré de Sion va même avoir tendance à les aider à sacrer le camp, à ceux qui vont se conscientiser. Ouais. Mais c'est pas une aide, c'est dans le genre, bon, ben là, on ne peut plus rien faire avec eux autres, ils veulent partir, ben on va aider la partie, là, qu'on a la paix. Mais c'est pas tout à fait ça qui va se passer. Il y a tellement de mécaniques en jeu, il n'y a pas juste le prieuré de Sion. Ce qui fait que c'est l'humanité au complet, à un moment donné, qui va être supramentalisée, qui va être accotée par les premières antennes supramentales. Et puis, à travers le temps, c'est l'univers au complet qui va finir par être résorbé par le vecteur qui est l'humain. Et l'humain global, évidemment, pas uniquement l'humain planétaire. Cela veut-il dire que la planète Terre échappera à toute résorption? Non, non, non, elle sera résorbée aussi. Quelqu'un de mort sur la planète ne sert pas à grand-chose, mais quelqu'un de fusionné peut-il rester sur la planète et servir à quelque chose? La majorité des fusionnés au départ vont rester sur la planète Terre. Les seules fois où ils vont s'en aller, c'est quand ça va être préférable pour la planète Terre ou pour eux autres de ne pas être là. Puis ils vont venir après. Il y a pas ils sont associés là parce que leur faisceau reste encore ici. Pourquoi un être en devenir de fusion a-t-il besoin de l'aide du prieuré de Sion? Non, non, c'est comme j'expliquais, parce que j'en ai parlé brièvement, puis dans le contexte que où j'en parlais, ça faisait comme si le prieuré de Sion était pour être utile, donc aider. Okay. Mais c'est pas une aide dans le sens qu'on va les voir où ils vont nous aider. Présentement, le prieuré de Sion fait tout pour nuire à l'humain, dans le but d'amener l'humain à quelque chose pour lui. Il va venir un temps où l'humain qui est transitif est extrêmement dangereux, parce qu'on perd des éléments. Et il va venir un temps où l'humain va être rendu à un niveau tellement avancé dans sa fusion qu'il n'aura pas la capacité d'entrer en communication avec les humains plus bas. Donc, il ne sera plus là un danger. Alors, ceux qui sont ici rendus à un certain niveau, bon, toutes les mécaniques d'évolution vont tout faire pour freiner l'humain qui est transitif. Parce que s'il est trop transitif, il parle à tout le monde, puis il crée de la transition chez l'humain. Rendu à un certain niveau, l'humain qui est transitif a de la difficulté à communiquer en bas. Alors, à partir de là, on va tout faire pour l'aider à finir sa transition, pour qu'il puisse plus nuire. Mais c'est pas l'aider. Est-ce le fait que l'énergie supramentale n'est pas assez puissante ou n'a tout simplement pas sa place sur la planète qui a une chasse gardée du prieuré de Sion? Non, l'énergie supramentale a la puissance que l'humain a. Et puis les choses sont... Le prieuré de Sion existe depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Puis le phénomène supramental, il est venu une seule fois dans un personnage. Puis il a tout bousillé l'affaire au complet. Mais il fallait que le personnage soit à la hauteur de ce qui venait. Présentement, il y a plus de personnages qui vont recevoir du phénomène supramental. Il y en a des centaines de milliers. Alors, c'est évident que... Sauf que c'est pas parce que l'enfant vient de naître qu'on se dit qu'il va être un futur boxeur. Mais en attendant, moi, je dis franchement, quand je pichenote dessus, il ne tient pas fort. Non, mais vous allez voir que dans 18 ans, vous pichenoterez pas longtemps. Est-ce que, étant donné qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont être atteintes de cette chose, est-ce que ça va être comme une dissolu? Ben non, ça va être aussi puissant dans chacun des individus. Dissolu, dissous? Mais non, c'est chaque personne va avoir sa puissance. Ça ne sera pas, par exemple, un Nazaréen divisé à travers 100 000 personnes. Ça va être 100 000 Nazaréens. OK, ça, je veux savoir. Puis moi, m'être meilleur que toi. Ah, ben, t'as un peu. Ah! Le prieuré de Sion est-il constitué d'entités de Shambhala et de Lagartha? On a assez dit. D'intraterrestres, etc. On a assez dit. C'est long, c'est long. Est-ce que les entités extraterrestres peuvent agir biologiquement dans la matière d'une façon tout à fait ajustée au temps planétaire pour une longue survie? Est-ce que les anges... Bon, mais c'est une question, ça. Bon, ils peuvent le faire, mais eux ont toujours de la difficulté à survivre à long terme sur le plan planétaire. Est-ce que les anges, les archanges et les Melchisédek peuvent le faire ou seulement non, nos descendants verront Dondek? Non plus. Les anges, j'en ai parlé suffisamment dans la dernière conférence, les archanges aussi, ils ne peuvent pas travailler comme on le dit au rang de la question. Ils ne peuvent pas travailler la matière pour les survivre à long terme. Leur présence physique sur la Terre est-elle limitée dans le temps? Non. Quand un être humain devient complètement supramental, est-il encore sur la sous la protection d'un seul ange? Sinon, qu'est-il advenu de son ange? A-t-il été absorbé? Il est sous la protection de lui-même. Lorsqu'il devient un être supramental, il est sous la protection d'un dieu et progressivement, finalement, il se protège lui-même. Un individu qui se sent coupable d'une façon... De quelque façon, peut-il la supprimer à l'intérieur d'un événement? Bon, là-dessus, ben, amusez-vous. Et,